Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des ondes. Et comme à l'habitude, en début de deuxième heure, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un deux heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador. CKJM Chéticamp, OUFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO La Radio de l'Université d'Ottawa et CFRH La Radio francophone du comté Simcoe de la région de Barrie en Ontario, Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg Saskatchewan, CILS Victoria Colombie-Britannique, CIVR, Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contact d'artistes. Vous m'envoyez ça à canrockcdn@gmail.com. Voilà. Allons-y avec la deuxième partie du Bloc de l'Est Québec-Ontario. Avec un autre grand qui a influencé beaucoup, mais beaucoup de monde. La nuit sur les temps cette année va tout simplement... rendre hommage au grand Robert Paquette. C'est le 23 mars 2019, samedi 23 mars. Plusieurs invités, entre autres Marcel Aymard, Chuck Labelle, Céline Édouard, Christian Berthiaume. Il y aura aussi Martine Fortin et bien d'autres. Ça sera animé par Steph Paquette. Donc, une nuit sur les temps assez spéciale. On rend hommage au grand Robert Paquette, qu'on va écouter à l'instant même tiré de sa compilation. Voici Bleu et Blanc, une chanson que tout le monde connaît. Voici Robert Paquette. J'ai rencontré le long du chemin un vieillard qui demandait de l'argent. C'était pour s'acheter son gallon de vin quotidien. Il est demandé si par hasard il avait déjà perdu espoir. Ce qu'il m'a répondu, je ne l'oublierai jamais. Il disait bleu et blanc, vert et rouge sont la couleur des cerfs-volants qui volent dans la nuit. Rien qu'une question de fierté, laisse tomber. T'en as déjà trop pour garder ta liberté. Il y en a qui sont des avocats, d'autres des femmes de Poitiers. Ils le savent, ce qu'ils font de leur vie. Thank you. vaste la géographie du cœur, ok, ok. S'il faut partir aujourd'hui, je remplirai toutes mes valises. Il sait, ok, ok, ok, ok. Il sait, ok, ok, ok, ok. Je suis vagabond sous la rayon. Sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde. Toi aussi, tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. L'idée ce n'est pas qu'il faut fuir, c'est de partager ce comme un désir, de voir ce qui se trouve derrière les lignes dessinées par des cartographes aux intentions bénies. Il sait, ok, ok, ok, ok. Il sait, ok, ok, ok, ok. Je suis vagabond sous la rayon. Sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde. Toi aussi, tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. Samuel, fils de Dieu, protégé par l'Éternel, du haut des cieux. On m'a dit que je changerais le monde avec des mots, ou du moins toucher le cœur de ceux qui ont des mots. Apaiser les cœurs blessés, tel un résilient, que je traverserai la vie avec un cœur de lion. Sur terre, je ne suis que de passage, la tête en l'air, la tête dans les nuages. Je suis en tutelle, pour la durée de mon séjour, je suis immortel. Car mon âme vivra toujours. Je crois formellement que je vivrai éternellement. Qu'une partie de moi s'envolera à mon enterrement. J'aime la vie comme j'aime la poésie. Je vis à travers cette feuille que je noircis. J'existe à travers mes écrits au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis réceptif à la voix du Créateur, car souvent il se manifeste à travers ses créatures. Je suis attentif à cette voix intérieure comme un nomade. J'ai l'âme de voyageur, je suis un miracle. Et mes écrits en témoignent, je suis un croyant. Ma foi déplace les montagnes, je suis mortel. Nous on n'a rien, tout ce qu'on a c'est nos instants de vie. Nos instants de rire, noyés par nos instants de cri. Autant je crie, autant je flanche. Autant je flanche, bien trop souvent je prends la tangente. instant Kodak, gravé dans ma matière grise. J'ai du bon tabac, ma tabatière se brise. À ma manière j'tise, et ma bannière s'hisse. Ma terre promise, matière première, et puis ma terre prise. Le cul entre deux chaises, ok, j'suis interstitiel. Superstitieux, j'porte ma croix et j'investis le ciel. Passe-moi le ciboire de vinaigre et cet astic fiel que j'drinque à ta santé, fruit de ma passion, Jesus. Nous Poséidons, on oublie us. Nos coups de foudre et nos mères d'air to please us. Immortel depuis des piges, j'ai le souffle coupé. Trop d'inspiration, j'suis en apnée sur ce couplet. Comme cette fois où j't'ai vu marquer le sol de ces larmes qui essayaient de noyer ma clé de somme. Mais la portée est son radeau, menée en bateau, et vole avec ses ailes dorado. Le ciel s'ouvre et les anges volent de plus en plus bas. Le paradis est sur terre, mais on la calcule pas. J'avance et je recule pas, voici mon mea culpa. Mon âme dans les étoiles et ma dépouille au panthéon. Immortel tiré de Cœur de Lion, Monsieur Le R premier et Samian, très bonne chanson. Juste avant, c'était Vagabond de la charmante Marie-Claude. Les deux artistes étaient en vitrine au Contact Ontarois la semaine dernière. Et ce que je peux dire, premièrement, de Marie-Claude, Marie-Claude a fait une très belle vitrine, un son assez solide. Elle bougeait très bien sur scène, elle était à pleine voix et elle a chanté quelques nouvelles chansons, dont Red Flag qui s'en vient, je pense, c'est à la fin février. Red Flag, très bonne chanson de Marie-Claude, donc elle travaille sur un nouvel album qui devrait peut-être sortir d'ici 2020, donc on a bien hâte de voir ça. Aussi le R premier, le R qui a un nouvel album qui s'en vient, et je lui disais que ses nouvelles chansons, ça faisait très world, très folk, un peu comme Sade, la chanteuse britannique d'origine du Zaïre, si je ne me trompe pas. Donc une musique assez intéressante, assez intérieure, vraiment de très beaux textes. Donc, à suivre, ça s'en vient également. On est rendu au bloc instrumental et ces deux femmes remarquables qui, ou je devrais dire peut-être cinq femmes remarquables, c'est qu'il y a Christine Tassan et les Imposteurs qui s'en vient et aussi Marie-Véronique Bourque. Les deux, Christine Tassan et Marie-Véronique Bourque, sont en spectacle jeudi dernier. Le 24 janvier. Donc, ils étaient en spectacle à Montréal. Donc, deux univers quand même assez intéressants qui se rencontrent. J'ai bien aimé ça. Donc, on va y aller en instrumental, si vous voulez bien, avec une chanson tirée de l'album Django Bell. Le dernier album de Christine Tassan et les Imposteurs. Et c'est la chanson, tout simplement, La Marche de Casse-Noisette. Par la suite, on va entendre la chanson de Maxence tirée de l'album Une porte s'ouvre de Marie-Véronique Bourque de la Saskatchewan, qui fait encore partie, je ne me trompe pas, de l'Orchestre symphonique de la Saskatchewan. Elle est flûtiste, flûte traversière, et j'ai reçu son album au cours de l'année dernière. Un très bon album, vraiment intéressant, du bon jazz, un peu à la française, mais fort intéressant. Donc, allez mettre la main là-dessus. C'est sûrement disponible via l'APCM, www.apcm.ca. Allons-y, que Christine Tassan et les Imposteurs, La Marche de Casse-Noisette.